passé, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Adjamé, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, Zotra roulé jusqu'à Williamsville, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Yopougon, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, Zotra roulé jusqu'à Boboka, Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Pokodi, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, Sotra roulé jusqu'au plateau, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Blokoso, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, Sotra roulé jusqu'à Vidi. Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Benjeville, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, Sotra roulé jusqu'à Tiekoubé, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Lokotro, où tout le monde va cadencer. Sokose, des évadés, Sotra roulé jusqu'au Banco. Sokose, des évadés, oh. Huma, huma, huma, come on. Cadencer, attention, cadencer.